mais qu'est-ce que tu fais? Quand on a appris ce qu'il fait, qu'on y a assez passé, qu'on y a assez. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça, tout seul ici, comme ça, à se faire chier? Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi?